on the rocks y... If you're looking for trouble, you came to the right place. Sugarfoot called me last night. C'était très bien. Vous c'était bien là-bas. She said yeah. Vous c'était bien, ça c'est... Comme c'est comme ça. Yeah. C'est, gnignignign. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Yeah. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks et dans Quij. Ce soir, vous avez reconnu le générique, que je sors que les soirs de Quij. Un Quij un peu particulier ce soir puisque David Bost, qui devait faire partie des chroniqueurs, a été terrassé par la grippe. On l'embrasse, enfin, on l'embrasse de loin quand même, hein. Voilà, on l'embrasse d'ici, mais on se rapprochera pas plus, David. J'espère que t'es à l'écoute. Et tu, si tu grommelles en disant, mais non, moi j'aurais pas dit ça, c'est... Bah, et bah voilà, à la prochaine fois. T'avais qu'à être là. T'avais qu'à être là. Alors bon, on n'a pas David Bost et ça c'est un peu triste, mais on a quand même la crème. Alors là, j'ai deux légendes quand même, qui en valent 40 dans les studios ce soir. Alors on va commencer par étroit, on va commencer par quelqu'un qui est déjà venu ici même. C'est sa deuxième Quij. C'est bizarre comme voilà. Enfin c'est ça, sa deuxième Quij. Voilà. Merci pour la deuxième invitation. Et ben avec grand plaisir, et il y en aura d'autres j'espère. C'est Karl Verdeau ici même, grand Manitou des musiques à la médiathèque d'Orléans. Et je l'ai appris par un des plus charismatiques guitaristes à lunettes d'Orléans, que au lycée tu étais le mec le plus cool du monde avec qui on avait envie de, tout le monde avait envie d'être son pote. Ouais ouais, alors pas trop les filles hein, mais non je te confirme, c'est un garçon qui m'a dit ça. Mais c'est Sylvain, et on écoutait vraiment de la musique, enfin on s'est fait découvrir des trucs. Voilà, merci Sylvain. Ouais ouais, non mais t'étais vraiment, apparemment, non mais là, vraiment il tarissait pas les mecs. Donc voilà. Et bien voilà, donc Karl Verdeau qui est là pour la dernière fois et pour la première fois. Alors pas pour la première fois mais micro, puisqu'il y a une spéciale Quix, je vais y arriver, hein, une spéciale Quix la dernière fois sur On The Rocks. Vous pouvez réécouter cette émission sur ce fabuleux groupe orléanais, c'est une all-star band, sur ontherocks.net. C'est Laurent Luyer, bonsoir monsieur. Salut tout le monde, mais ravi également d'être là, et j'ai beaucoup aimé l'exercice que tu nous as proposé. Ah ça fait, c'est bien ça. Hein. Ouais, ouais. Donc Laurent Luyer évidemment, leader charismatique des Crybabies, et puis de Quix, qui... Alors ce petit concert à l'Astrolabe. Eh ben écoute, on a eu de bons retours, en tout cas on s'est bien amusé sur scène. C'est le principal. C'est Pete Sampras qui nous a fait le son. Il a fait un super son apparemment. Et puis voilà. Donc non, très bon retour et très très bonne soirée. Et y compris enfin toute la soirée Cosmic Trip avec BDK et King Salami. C'était vraiment une très très bonne soirée. Et tout le monde s'est vraiment bien éclaté. Donc 100% fan. Bon, Karl, tu y étais ? Non. Non, et je suis désolé de pas y avoir été. Ah, moi aussi, donc on est bien d'accord, il va falloir qu'il y en ait d'autres des concerts de Quix. Ah bah oui, moi hein? je vous ai vu deux fois je crois déjà. Ah, ah bah d'accord, moi j'ai pas encore vu. Donc, Non mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de notre ami Ricky Hopkins au clavier, il a fait le show, il était en costume. Ça c'est bon. Non, c'est bien. Bon, non, on veut une prochaine. On a démarré l'émission évidemment avec un morceau de Marianne Faithfull, sa reprise du morceau des M. Voilà, moi ça m'a peiné parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimais bien, que je suivais, et qui a réussi quand même le miracle de se sortir de cette situation où elle était la petite chose de Jagger, Richards, leur petit jouet un petit peu à un moment, et elle a réussi, alors en passant par des chemins un petit peu jonchés de seringues, à trouver son style, à trouver sa voix déglinguée d'ailleurs, et une grande dame quoi. Dans ses films aussi, je vous conseille d'aller voir la filmographie de Marianne Faithfull, un film où elle jouait une masturbeuse dans un sex shop, qui est extraordinaire. Très très bon film. Et donc quel rapport vous aviez, enfin tout bien tout honneur, avec Marianne Faithfull, messieurs? Eh ben, on disait en antenne qu'on n'était pas des grands fans, mais pareil, qu'on respectait la dame, certainement, ça. Ouais, moi, je trouve que sa version de Sister Morphine, elle est meilleure que celle des Stones pour moi. Ah, d'accord. Ouais, vraiment, elle est vraiment superbe. Bah, et pour ça, ça valait le coup. Elle a fait une belle version aussi de Working Class Hero de Lennon. Enfin, oui, c'est vrai. Elle était spécialisée dans les reprises, quand même, plutôt. Elle composait pas terrible, voilà, enfin, c'est une grosse perte pour moi. Donc, on lui rendait hommage ce soir dans On The Rocks, mais nous allons rire ce soir. puisque c'est Quiz, enfin il y en a peut-être qu'on se fait tailler des costards quand même. C'est Quiz, je vous rappelle le principe, quatre albums qui sont sortis dans les semaines, allez voir le mois, les deux mois précédents, et donc ben normalement il y a trois, c'est quand les gens ne meurent pas, les chroniqueurs ne meurent pas au fond de leur lit de la grippe. Là ce soir on est deux, je vous ai confié donc l'écoute de ces quatre albums. Je suppose que comme toutes les semaines dans Quiz, enfin à chaque fois qu'il y a Quiz, certains vous les avez réécoutés et savourés, et d'autres vous allez avoir du mal à aller au bout. On en reparlera, vous allez les chroniquer, mais on va commencer par le petit coup de cœur ce soir, c'est coutume. C'est le dernier morceau de Motor Psycho. Merci beaucoup à David Fecknam de m'avoir fait découvrir ça. Alors là ils sont dans un petit trip un petit peu, bah vous allez voir, un petit trip 70s avec Stanley Tonight the Night, et puis derrière enchaîné avec un petit groupe qui monte, et puis juste derrière on commence à quinger. C'est parti. Yeah. Vous êtes dans The Rock, c'est ce soir, c'est Quij, une session spéciale avec le coup de cœur Motor Psycho, avec Stanley, sympathique. Oui, oui, très bien. Très bien, l'album ne devrait pas tarder, ils sont norvégiens. Et voilà, j'avais suédois en fait, bah, c'était la Norvège. Et ils ont la patate, on attend l'album, parce que tous les singles pour l'instant de l'album sont très très bien. Et puis juste là, à l'instant, là, qui vient de se terminer, c'était les Queens avec... Ouais. Avec avec le morceau Dogs. Oui. Et donc Laurent L'Huillier ici présent, chroniqueur ce soir dans Quij, est le chanteur des Queens. Absolument. Voilà. Et donc un petit mot sur ce morceau, sur cette reprise. Ouais, c'est marrant. Morceau des Who, sorti. C'est la face B de Pictures of Lily, je crois. Oui. Il me semble. Et c'est un morceau. Les paroles de Peter Ocean sont toujours extrêmement débiles. Hein. Oui, c'est extraordinaire. Oui, oui. Et là, en fait, c'est la rencontre. Le prix Nobel de littérature, c'est pas la semaine prochaine. Ah, il a écrit du bouquin. Il a écrit des bouquins bien trash d'ailleurs. Oui. Ah, j'ai lu un recueil de nouvelles de Peter Ocean. C'est waouh. C'est l'histoire d'un gars qui tombe amoureux d'une nana qui s'occupe des lévriers dans une course de chiens. Voilà, il tombe amoureux et il dit qu'au début ils avaient des lévriers sur leurs genoux et à la fin ils ont un bébé sur leurs genoux. Voilà. C'est carrément débile. Vous pouvez pas faire un clip. Et le refrain c'est avant que je ne te connaisse, il n'y avait rien de plus important pour moi que la bière. Ah oui, d'accord. Oh putain, ça pourrait être l'hymne de plein de gens, ça. Bon, eh ben, on va passer aux choses sérieuses, messieurs. Merci pour ce Queens là. Bon morceau, merci, très bon morceau. Merci à toi de le passer. Non, très bon morceau. Alors, c'est là qu'on commence. Donc, nous allons entamer. On va commencer par un des albums de Quij. On va commencer par celui de Kokomo. Je vous ai demandé de vous pencher sur cet album de Kokomo, leur quatrième, qui s'appelle Stripped. Pour Kokomo, petit rappel pour tout le monde, mais qui commence à faire un peu de bruit quand même, les Kokomo. C'est un duo de Nantes, voilà, avec juste un guitariste énervé et un batteur énervé. Il s'appelle Warren Mutton, c'est le chanteur, et puis Kevin Gromollard, messieurs dames, qui a la batterie. 10 ans de carrière, un petit coup de mou avec un incendie en 2023 de leur tourbus avec tout dedans, donc tout le matériel. Donc ils ont appelé à une cagnotte pour se relever de là. Ils sont revenus de leur cendre. Je vais faire comme ça. Et donc ils sortent donc ce nouvel album. Avant d'en passer un extrait, je vais vous demander, sans dévoiler ce que vous pensez de cet album, quel rapport aviez-vous avec Kokomo? Les connaissiez-vous? Les aviez-vous vus, entendus? Alors moi, je les avais découverts à l'époque de Lemon Twigs. Ça devait être en 2019, je pense, parce qu'ils faisaient grand bruit par rapport à leur scène, en fait, leur prestation scénique. Alors j'ai pas eu la chance de les voir, mais effectivement, je me suis renseigné sur Internet. Et bah voilà quoi, grosse belle énergie. Et bah du coup, ça m'avait donné envie d'écouter cet album. La suite. L'album Les Bonnes Tweets. Oui, voilà. Oui. Laurent. Avant toute chose, moi, je souhaitais dire que je m'y suis tenu. Je n'ai fait aucune recherche sur les groupes. Je connaissais Kokomo grâce à On the Rocks, parce que tu en avais passé oui. Un morceau. Par contre, les autres, à part Michael Kiwanuka, que je connaissais parce qu'il est plus grand public. Ouais. Les deux autres, je ne les connaissais pas et je ne suis absolument pas. Je ne sais pas de quelle nationalité ils sont. Je ne sais pas c'est leur combien. Je n'ai pris aucun renseignement. Tu étais vierge. Pour rester complètement vierge de la musique. Voilà, c'est ça. Bon, alors on va se passer. C'est un extrait de cet album de Kokomo et ensuite nous vous dirons ce que nous en pensons, puisque comme nous ne sommes que trois, je dirai aussi, je m'étalerai. Ah bah bien sûr. Mais oui. Satisfied. c'est fini. C'était Kokomo, donc tiré de leur dernier album que nous allons disséquer maintenant dans Quiz on the Rocks. Le morceau, c'était All the Way. Je vous laisse la parole et je clôturerai, messieurs. Qui veut se lancer en premier? Je sens Karl dans les starting blocks. Il est chaud. Il est chaud bouillant. Allez, j'y vais. Ça tombe bien. C'était mon morceau préf aussi, All the Way. Quelle entrée en matière. Avec aussi une belle façon de conclure. Hein. C'est... Ils loupent pas leur sortie. Oui. Et voilà. Donc, l'album, je l'ai mangé en entier. J'ai trouvé qu'il était comme Lemon Twigs, très produit. Avec toujours cette petite balade, cette petite tentation d'aller vers la variété, on va le dire, et j'aime beaucoup ce mot. Hein, moi, j'écoute beaucoup de variété. Tu es très varié toi-même. Voilà, c'est ça en fait. Moi, j'ai vraiment c'est ça, hein, le concept, le mot variété, je prends comme varié en fait. Oui. C'est simplement, c'est 5 musiques différentes par jour. Des fois, il y a un peu d'écœurement peut-être, des surprises, ils ont des petites idées, surtout dans les morceaux énergiques, je trouve, petites idées pour me remettre dans l'attention et me dire, ah ouais, quand même, ils savent faire des breaks, il y a des changements de rythme, enfin, sur scène, ça doit être terrible. Voilà, j'aimerais bien les voir en fait. Mais à écouter, voilà. J'ai bien aimé l'album, Une petite moyenne. Une petite moyenne, allez. D'accord. On peut mieux faire, non, parce qu'ils ont pas. Dans le genre, ils ont déjà bien fait. Oui. Voilà, il n'y avait pas besoin de moi. Enfin, je pense qu'ils ont, un public qui les vénère. Enfin, ouais. Voilà. Quoi. Mais c'est pas mon truc plus que ça. Quoi. Laurent. Moi, je trouve ça très accrocheur et efficace, mais pour les amateurs de métal, hard rock aussi, d'inspiration 70s, on va voir qu'il y a... En fait, quand on écoute Kokomo, on se dit, ça fait penser à tel groupe, ça fait penser à tel groupe. Chaque morceau c'est ultra référencé. Oui. Ah, c'est très très référencé. Mais moi, je dirais que on est avant tout impressionné par la production, hein, ce qui évite de ringardiser cette musique en fait. S'il n'y avait pas ce son-là, ça pourrait être ringard. Quoi. Oui. Là encore, je connaissais pas les albums précédents, hein, je découvre complètement, hein, parce que c'est très bien fait. Alors, le chanteur, il a une voix au top, hein, vraiment, c'est impressionnant. Et puis les harmonies, hein, sont parfaites. Enfin, moi, je trouve que c'est. On pourrait peut-être leur reprocher que c'est extrêmement typé. Ben voilà, parfois un peu facile. Hein. Mais bon, est-ce que c'est pas typique du genre aussi, hein? C'est ultra référencé. Bah, c'est référencé. Donc forcément. Et puis alors, la couleur des morceaux, ça varie, hein, du heavy boogie avec Double Vision par exemple, au hard FM un peu avec Zebra par exemple. Mmh. Hein, ça traîne un peu là-dedans. Les influences semblent être très variées. On retrouve beaucoup de Queen pour moi, notamment dans la balade Bottle for Two, ou sur le morceau qui ressemble à un tube qui s'appelle The Fool. Mmh. Et là, vraiment, il y a une influence Queen pour moi, avec en plus la voix, quoi. Ouais. Et moi, j'ai trouvé du Beatles également dans la balade qui s'appelle Dancing Alone, un morceau très très McCartney dans la mélodie, et avec un final très très lent et lourd qui m'a vraiment fait penser au final de I Want You des Beatles. Ouais, c'est ça, et qui clôt l'album d'ailleurs. Qui clôt l'album, exactement, ouais. comme I Want You clôt la face. Clôt la face, oui. De l'album aussi. C'est ça. J'ai bien aimé aussi la touche psychédélique, hein, qui se fait très marquer sur The Wise. Avec du sitar à l'intro et au milieu du morceau, là encore c'est une autre référence psyché. Il y a aussi du synthé, hein, qui fait son apparition dans Don't Let Me Go, ce qui nous emmène plutôt là des années 80 plutôt, hein, une espèce de hard FM années 80. Mmh. À noter la pochette de l'album que je trouve merveilleuse. Ouais, elle est belle. Elle est superbe. Mais souvent, hein, leurs albums. Oui, ils sont très forts. Ben, là encore, je connais pas les autres, hein, mais celle-ci, elle est vraiment superbe et pour le coup, elle fait psyché mais pas ringard, quoi. Vraiment, ils savent pochetter. Ah, ils maîtrisent leur image de bout en bout, hein, les clips, tout est nickel, quoi. Alors, oui. Je suis pressé d'aller écouter d'autres choses d'eux et parce que je me suis interdit, hein. Je suis un peu un moine trappiste pour ça. Ouais, c'est très bien. Donc pour moi c'est un album qui est plutôt inspiré, mais il fait très très bien le job en fait. Le job, ouais. Pour moi voilà un nouveau un groupe français qui a pas à rougir en se comparant à de la concurrence étrangère, hein, pour moi. Ah non. C'est clair ça, ouais. Ah vraiment. D'ailleurs, oui, est-ce qu'ils ont du succès? Je me posais la question. Alors, je pense qu'ils ont du succès. Alors, ils sont tournés un peu loin. Ils sont allés un petit peu loin, mais je crois qu'ils n'ont pas énormément de succès à l'étranger. C'est pas Gojira, quoi. Voilà. Et c'est pas du genre à faire le Lollapalooza ou des machins comme ça. Alors, je ne crois pas. Non. Peut-être pas encore. Ça peut venir. Alors, moi, je les ai pris dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je les ai découverts sur scène. Ah oui. Et sur scène, effectivement, c'est extraordinaire. Donc, ils y vont à fond. Ils poussent tous les potards. Ils sont que deux, mais c'est un bousin incroyable. Et ça, alors ça joue avec tous les clichés, mais les clichés joyeux du rock 70s avec la voix, on entend la voix du chanteur quand il monte, mais sur scène c'est extraordinaire, ça passe en force, tout passe en force sur scène. Et il retourne un festival, c'est un groupe de festival, il retourne un festival en deux secondes. Alors je suis un petit peu embêté parce que moi je les aime bien, je les ai interviewés, il y a eu une émission spéciale dans On The Rocks, enfin voilà, c'était très sympathique. Je suis resté complètement extérieur à cet album alors que j'aimais bien les précédents. Je l'ai trouvé. Alors, je vais dire ce que j'aime sur cet album. C'est alors le dernier morceau, comme toi, Laurent, le morceau qui ressemble un peu aux Beatles, oui, et le morceau Bottle for Two, qui pour eux, à mon avis, est une virgule, et qui pour moi est le seul très bon morceau de cet album. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment génial. Le reste, je trouve que ce qui fait la qualité sur scène dessert cet album. C'est-à-dire que là aussi, il passe en force pour moi. Sauf que là, ils sont en studio, donc là, on attend de la compo, on attend, et là, ils passent en force, et je trouve qu'au niveau compo, sur scène, c'est pas très grave si c'est pas le morceau du siècle, parce qu'ils en voient tellement, et c'est génial, quoi. Là, je trouve qu'il y a pas beaucoup de compo, c'est assez faiblard, je trouve, sur cet album. Pour moi, c'est un peu l'orfèvrerie, pardon, j'arrive pas à le dire, mais au niveau de la prod, ils y ont passé du temps. Alors, ils y ont passé du temps, mais peut-être un peu trop pour moi, c'est-à-dire que pour moi, c'est une prod de bodybuilding. ça ferait passer Chaka Pompe pour Robert Wyatt, quoi. J'aime l'image. Alors moi, c'est un album qui m'a épuisé, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de trois morceaux, oui, quand Bottle for Two arrive, oh, t'es putain, oui, encore une comme ça, encore une. Et j'ai un peu peiné. Donc je suis un peu peiné, mais c'est vrai que je l'avais mis dans la sélection parce que généralement, je mets des choses plutôt que j'aime. Je mets pas des choses que j'ai envie de critiquer, moi, d'emblée. Et sur moi, cet album ne marche pas. Pour moi, c'est un peu en dessous de la moyenne et alors ça m'a donné paradoxalement envie de les revoir sur scène parce que vraiment je vous conseille, c'est super. Ouais c'est super. Ça vaut vraiment le coup. Mais là, cet album, bah c'est sans moi, du coup un peu trop, un peu too much, un peu trop produit, ouais, un vrai. Peu trop clinquant, un peu trop, voilà. Donc voilà, vous avez été plus magnanime que moi et plus gentil que moi, messieurs. C'était Kokomo, donc vous pouvez aller évidemment vous faire une idée sur cet album Stripped. Nous avons trois autres albums à chroniquer dans cette émission, mais j'ai demandé à mes invités spéciaux et illustres d'apporter des coups de cœur, des petits morceaux, soit récents, soit pas récents, mais que vous avez envie de faire découvrir. Et on va commencer par toi, Laurent. Qu'est-ce donc? Je me rappelle ce que je t'ai donné. Ouais, c'est un groupe étonnant qui s'appelle Fragile Star, l'étoile fragile. C'est des gens avec qui nous avons joué avec les Queens dans un bar dans le Berry. Et c'était une superbe rencontre. En fait, il s'agit de deux Anglais. C'est un duo qui peuvent être quatuor également selon les dates où ils vont, en fait. Hein. Oui. Et ce sont des Anglais, en fait, qui ont quitté l'Angleterre juste après le Brexit. Donc déjà, c'est un bon point pour eux. Ok, très bien, bravo. Voilà. Et ils sont venus s'installer au Blanc, dans l'Indre. Donc en fait, c'est des berrichons anglais. Voilà. Et ils font ce qu'ils appellent, eux, être une folk americana. C'est superbement harmonieux. Il y a des claviers d'enfer. C'est très, très cool. Vraiment très soft. Très ça va faire du bien après Kokomo. Ouais. Sur scène, ils sont donc en duo ou ils sont en quatuor avec deux Écossais, une au violon et l'autre à la basse. Et écoutez cet album qui s'appelle Skies. J'arrive. Separate Skies. Separate Skies, voilà, qui est sorti là en 2023. Et j'ai choisi un morceau qui parle effectivement de comment est-ce que des gens qui font toute ce malheur dans le monde arrivent à dormir la nuit. C'est ça le thème. Et des gens adorables en plus. Okay, voilà. Excellente question. Bon, je suis ravi parce que je ne connais pas. Carl, tu connaissais ? Non. Ben voilà, tu vas faire découvrir un nouveau. C'est leur deuxième album, c'est tout. Ah ben c'est parti. We'll be right back. Vous êtes dans On The Rocks, session spéciale puisque c'est Quij ce soir et c'était le choix de Laurent Lully à l'instant. Belle découverte en ce qui me concerne. Très sympa. Ouais, c'est... Tout est comme ça. Oui, alors il y a des trucs un tout petit peu plus, un peu plus country, mais très très belles harmonies et des chansons très, ouais, assez puissantes, moi je trouve. Voilà. Ouais. Et ouais, c'est voilà une très très belle découverte, des gens vraiment adorables. Moi, j'aimerais bien, je vais essayer de travailler Mathieu Dufaux au corps pour que à Hop Hop Hop puisse jouer à l'Institut, par exemple. Ça sera sûr, oui, ça sera très, ouais, conservatoire. Surtout à quatre avec le violon et la basse, je pense que ce serait vraiment vraiment chouette. D'accord. D'autant que sur scène, il y a donc Anna qui est la chanteuse, elle joue aussi du mélodica, hein, ce qui est, okay, ce qui est pas, ouais, ouais, ce qui apporte vraiment une touche très particulière qui change un petit peu de l'harmonica et du, c'est, non, c'est très très beau et je vous conseille vraiment cet album. Bon, bah, c'est quand tu le travailleras au corps, tu me préviendras, je lui tiendrai les pieds. C'est ça. Je suis assez d'accord. vous êtes donc dans Quij, on continue avec, on a déjà chroniqué l'album de Kokomo et nous allons passer à un style vraiment totalement différent, même si c'est toujours français. C'est Garciaphone, le projet d'un musicien qui s'appelle Olivier Pérez, qui était batteur à la base, qui a battu chez Elysian Fields d'ailleurs, batteur depuis 2007. Il a beaucoup bourlingué, beaucoup voyagé, et puis à un moment il a posé sa valise au Mexique, et il a commencé à gratouiller une guitare là-bas, et hop, des morceaux sont venus. Il a sorti un album, puis a attendu 7 ans avant de sortir l'album dont on va parler ce soir dans On The Rocks. Il est basé à Clermont-Ferrand, si je ne m'abuse, à moins qu'il ait déjà fait ses valises et qu'il soit déjà reparti. L'album s'appelle Ghost Fire. On va se passer un extrait qui s'appelle Better and Better, et les auditeurs d'On The Rocks le connaissent puisque je l'ai déjà diffusé, je crois, deux fois. Connaissiez-vous cet Olivier Pérez, messieurs? Bah, pas du tout, Laurent. Pas du tout. Et je découvre que c'est un Français, c'est pas perceptible, je trouve. Non, bah, c'est plutôt oui, un c'est bon plutôt point. Bien, ouais, ouais. C'est plutôt un bon point. Karl? Non plus, et je suis vert. Parce que... C'est vrai, je le vois. Vous voyez, c'est de la radio, mais on le voit. Il y a un album chez Talitre notamment qui est un label que je suis et je suis passé à côté. Voilà, et on en parlera après. Bah, c'est ça qui est bien avec la musique, c'est qu'il est jamais trop tard. C'est ça. C'est ça qui est fabuleux. On se passe Better and Better et on en parle juste après. Mais je sens que ça va pas être mal à mon avis. Ah oui. Gusto was a home for the things never done in vain. When's a holiday for the worn out soul stuck inside a hurricane? Big screen all of you, people simple lights seen through the eyes of the multitude, judges that I can't condemn. I'm getting better and better, getting better and better. I'm getting better. So sing again with me. I don't understand why I lost it all, what I had at hand, options that turned out dead ends. I'm getting better and better. Si je monte mon micro, c'est beaucoup mieux. C'est un des morceaux clés, un des sommets, je trouve, de cet album qui n'en manque pas, de Garciaphone. Mais je ne vais pas donner mon avis tout de suite. Je vais laisser parler mes deux invités, Karl et Laurent, qui démarrent. Ouais, je vais démarrer. Ah, c'est Laurent. Vas-y. Ouais, je vais essayer. Alors, j'ai commencé l'écoute des quatre albums par celui-là. J'ai écouté d'un peu de loin. Et je m'étais dit au départ, c'est bien fait, c'est un peu linéaire, un peu convenu, pas vraiment de choses originales, vraiment en écoutant de loin, quoi. Et puis, vraiment, c'est certainement celui que j'ai écouté le plus, parce qu'au fur et à mesure des écoutes, ressortent les richesses harmoniques, la qualité des compos et les arrangements, c'est très fin, très délicat, avec notamment des superbes parties de guitare acoustique, hein. C'est vraiment, c'est la délicatesse même, cet album. Mmh. Les chants, les Aloe E, le morceau qui ouvre l'album, c'est une superbe chanson qui mêle la harmonie, la guitare sèche et le piano. Hein, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et à noter que ce morceau, c'est un morceau qu'il a composé pour parler à son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et c'est sa façon à lui de lui parler. Voilà, il ouvre l'album avec ce morceau. Mais le mélange guitare sèche et piano, il y a vraiment des harmonies que j'ai jamais entendues, quoi. C'est vraiment particulier. Alors moi, j'ai particulièrement aimé Weathercocks, avec une intégration originale de parties de guitare fuzz un peu déstructurées. Le solo est dingue. Trop bizarre, ouais. Sur fond de balade au piano, vraiment superbe effet. Et moi, je mets tout en haut une chanson qui s'appelle Heart of the Hermit. Je sais pas si vous le remettez, qui se rapproche assez d'un mouvement que j'adore. Moi, c'est le folk britannique fin 60, début 70, avec des gens comme John Martin, Roy Harper. Ouais. Ça m'a fait penser à ça, vraiment. Avec des harmonies vocales, des arrangements de guitare folk, à couper le souffle, hein, pour moi. Vraiment, c'est un merveilleux morceau pour moi. Et moi, je trouve cet album superbe, hein. C'est là encore, hein, c'est délicat, c'est fragile. Hein, on écoutait Fragile Star, qui était fragile aussi, mais là, c'est fragile autrement. Très original entre folk et pop, avec des arrangements très astucieux et très efficaces. Petit reproche, la voix reste assez linéaire pour moi, hein. Ça reste un peu sur le même ton, le même. Mais bon, celle de Dylan était aussi. Hein. Oui, il y en a beaucoup des voix linéaires. Oui, c'est pas mal. Mais vraiment, typiquement pour moi, c'est l'album qui gagne vraiment à être écouté, réécouté. Et on découvre, surtout au casque, hein, on découvre vraiment une très très très grande finesse. Karl. Eh ben ouais, cette sélection, je l'ai pas écoutée au casque différemment à la précédente, en fait, et je pense que le Garciaphone, je vais me le refaire une troisième fois au casque. Pour poursuivre avec les références pop anglaise 70, j'ai beaucoup pensé à Nick Drake aussi en écoutant l'album, quoi. Et du coup, j'avais du mal à isoler un morceau parmi les autres, tellement ils étaient tous brillants. Moi, j'ai vraiment adoré cette écoute. Le premier, l'ouverture, maintenant que tu me dis que c'est un dialogue avec son père atteint d'Alzheimer, effectivement, ça prend encore plus de sens. Enfin, moi, j'ai vraiment entendu des fantômes. Enfin, les effets de guitare du premier morceau sont fous, quoi. Donc, grand morceau. On est dans l'ambiance, quoi. Ouais. Et on sort, il y a un peu de lumière, il y a ce le Weathercocks là qu'il faudra me traduire d'ailleurs parce que j'ai un peu de mal. Là. C'est... Oui, ça peut être interprété de forte manière. C'est comme ça. On demandera à Gex. Arrêtez, j'ai eu beaucoup de mal pour prononcer ce mot. Et du coup, Weathercocks, mais ouais, le solo, enfin c'est un solo qu'on dirait écouter sur une radio FM. Enfin, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Plein d'idées pendant tout cet album qui est très court, une demi-heure. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est court. Ouais. Ah oui, il est super court. Mais franchement, voilà. Et du coup, alors comme j'ai pas réussi, je vais tout vous avouer, je l'ai téléchargé. Je vais l'acheter. J'en achèterai deux si tu veux. Et du coup, j'ai eu. En fait, en le prenant, je pensais l'avoir récupéré, et j'ai en fait récupéré le premier album. Ah. Et donc, j'ai commencé par écouter le premier. Mmh. Et il est complètement différent, très énergique, enfin très pop pour le coup, beaucoup moins dark. Enfin, et tu te dis que voilà, il y a une évolution en fait en trois albums, parce que moi j'en ai repéré trois, je crois. Ouais, ouais. Qui s'espace de 6 ans hein, à chaque fois. Et c'est de plus en plus. Mais c'est même pas sombre, c'est je sais pas, c'est épuré, enfin voilà, j'ai trouvé ça lumineux. Ouais, et puis l'album s'appelle Ghostfire, ouais, c'est un feu fantôme, il y a la lumière, le fantôme, ouais, c'est un très bon titre, moi je trouve. Ah oui, à part le nom du groupe, quoi. Bah, ouais. Tu te souviens qu'on avait critiqué les pochettes la dernière fois? Oui. Là, c'est les noms des groupes. Oui, ah bah attends, la pochette de Sgeg, ça arrive. C'est top niveau, là. On peut pas faire pire. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Laurent, en particulier, c'est vraiment pas un album à écouter en fond musical. Non. C'est, en fond musical, on va trouver ça un petit peu, voilà, comme tu dis, un peu, un peu linéaire, un peu voilà. Et mets le casque, Karl, parce que Moi, j'ai découvert sans casque. Je t'ai dit, il faut que je l'écoute. Ouais, c'est ça. C'est... Bah, bien sûr, je te dis, mets le casque pour la prochaine écoute. Ouais, parce que si vous écoutez vraiment, c'est un album, faut l'écouter. Et si vous l'écoutez vraiment, pour moi, c'est une petite merveille, vraiment. Chaque morceau, il y a des choses un peu surprenantes dedans, alors qu'on pourrait croire que c'est linéaire, pas du tout. Et il y a une sensibilité qui, à mon avis, d'une sincérité totale dans sa démarche. Effectivement, ça peut faire penser à Nick Drake, mais il y a cette même sincérité chez Nick Drake. Et ça vous enveloppe, et ça vous enveloppe d'une joie triste, un peu. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas plombant du tout. Mais alors, c'est pas non plus pour faire les pogos, c'est pas là non plus. Mais voilà, je vous conseille vraiment. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner sur scène, parce que ça. Est-ce que c'est soporifique sur scène, ou est-ce qu'il arrive à mettre cette magie qu'il y a dans ces morceaux? Ça va être dur à jouer sur scène, tout ça. En tout cas, ouais. En tout cas, pour moi, c'est un grand album, et avec une grande pochette, puisqu'on parlait des pochettes, très belle pochette également. Ouais. Belles, c'est vrai. Honnêtement, je pense pas que ça soit, il a envie de jouer sur scène. Je suis pas sûr qu'il tourne, hein. Non. Avec un piano. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de piano, hein. C'est ça. Ah, bah oui. Bon, en tout cas, je crois qu'on est d'accord tous les trois pour vous conseiller vraiment cet album de Garcia Phone. Oui. Allez-y, c'est peut-être l'album de votre hiver avec Ghost Fire. Vraiment, vraiment une grande réussite. Vous êtes dans Quij, il nous reste deux albums à chroniquer, mais il y a les morceaux de nos invités. Et puisque Laurent a dégainé le premier, c'est Karl qui va nous dire ce qu'il va nous diffuser maintenant. Eh ben, tu vas m'aider aussi un petit peu. À quoi, Serge ? Ah, excuse-moi, pardon, oui, bon, vous êtes loin. À quoi, Serge ? Du coup, oui, pardon, c'était écrit là. Eh ben, à quoi, Serge ? Moi, c'est un groupe que je suis depuis, on va dire, 7 ans. Ils ont fait peut-être 7-8 albums. Ça fait 4 qui sont signés chez Kramed, label historique belge qui fait dans la variété là, de tout bois. Et c'est la fin de l'économie là qui est sortie en 2024. Hein. Je vais passer deux coups de cœur de l'année. Voilà, moi je l'attendais. Il est toujours aussi intéressant pour moi. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il se trouve aussi que c'est de plus en plus un groupe local entre guillemets, vu que le batteur habite à Orléans quand même. Okay. Julien Chemla qui à côté de ça fait une carrière de musicien parfois expérimental, parfois jazz extrême. Enfin, c'est un assez fort à suivre si vous avez voilà l'envie. Et à quoi Serge, bah c'est de la pop moi que je trouve très très ouverte sur l'origine, enfin sur la recherche en fait. Ça chante en français, ce qui est pas courant. Mmh. Il y a des morceaux qui peuvent dérouter, mais c'est jamais trop long. Et puis les morceaux sont différents là encore. Enfin voilà, on s'ennuie pas. Mmh. Et je voulais vous proposer à l'écoute Sommet qui mélange un peu tout ça en fait. Et il y a aussi un de mes synthés préférés à 1 minute 25. Je sais pas quel est le nom du synthé, mais ce son de synthé je l'adore. Voilà, ok. Bah Serge, si tu écoutes. Donc à quoi Serge, Laurent, tu connaissais? Oui, je connaissais à quoi Serge. C'est bien. C'est délicat et bien barré quoi. Ah oui. C'est délicat et bien barré. Mais c'est super. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ouais. Bah c'est parti. Un synthé Scooby-Doo. Ah, c'est la marque. C'est ça, la c'est marque Scooby-Doo. Scooby-Doo. C'est vrai? J'y ai cru. Scooby-Doo. C'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur. C'était à quoi, Serge, avec le morceau Sommet? Effectivement, assez étrange. Ah, ben oui. Mais oui. Ouais, ouais, c'est, je sais pas, la rencontre entre un petit chanteur français et Robert Wyatt. Oui, c'est ça. Comme ça. Alors, je suis fan de Robert Wyatt, hein, on va le dire, comme ça, c'est bon. Moi aussi, c'est fait. Moi aussi, bien sûr. Non, non, mais c'est très progressif et c'est pas ringard, c'est. Non, ah, non. C'est superbe, hein. Ouais. Et puis, les paroles, c'est ah, je trouve ça. Non, mais c'est alors, des fois, il y a plus de texte, ça, c'est juste un truc un peu un gimmick. Bah, il sait au sommet, c'est ça. Mais il y a une clarinette basse ou un basson, je sais pas. Enfin, il y a toujours un instrumentarium un peu intéressant. Tu dis, le batteur, est-ce qu'il fait partie du, comment s'appelle ce collectif de jazz, là, sur Orléans? Eh ben, le Tricot, tu veux oui, dire? Le Tricot, non, voilà. Non, parce que c'est pas un Orléanais, là-bas. C'est pour ça que c'est vraiment pas un groupe local. Mais quelque part, ça fait tellement longtemps qu'il vit ici que bon, il a son studio. Enfin, je pense que, voilà, ils ont dû répéter ici. Certainement. Voilà. Bon, eh ben, c'était le choix. Très bien. De Calverdo. Merci pour ce choix. J'espère que vous aurez le temps de peut-être un petit peu un autre morceau chacun, mais on va continuer la sélection de Quij. Il y avait 4 albums à chroniquer. Kokomo, Garciaphone, c'est fait. Et voici le 3e, c'est l'album de Skex. Karl. Skex. J'y arriverai pas. S-K-E-G-2-S. Je te surveille de très très près. Je suis dyslexique. C'est là quand ça t'arrange. C'est leur 3e. L'album s'appelle Pacific Highway Music. Il est produit justement par le producteur de Michael Kiwanuka qu'on va écouter juste après et de Devendra Banhart. Et ça ressemble pas du tout. Le producteur s'appelle Paul Butler. Et c'est aujourd'hui un duo. C'était un trio, je crois, à la base, Skex. Et désormais, c'est un duo. Ils viennent d'Australie. Ils ont livré peut-être les pochettes les plus moches de l'histoire du rock'n'roll avec une certaine constance parce que tout est colorié au stylo feutre. Donc c'est assez magnifique. Particulièrement laid. Oui, particulièrement sûr. Très très laid. La pochette, on est tous d'accord, c'est très très laid. Mais la musique, eh ben, on va en discuter juste après le morceau qu'on va se diffuser. Connaissez-vous ce morceau au nom si savoureux, messieurs, le groupe avant d'écouter pas l'album tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah ben voilà, comme ça c'est fait. Le morceau, c'est High Beaming. J'ai choisi quoi? Oui, j'ai choisi ça. Oui, c'est ça, High Beaming. Et on en reparle juste après dans Quij. Always kept pressing on. Troisième album que nous décortiquons ce soir dans Quij, c'est celui de Skex. Le morceau, c'était Eyes Beaming. Et ben, qu'en avez-vous pensé, messieurs, de cet album de Skex, Karl? Eh bien, Karl Verdot de la médiathèque d'Orléans. Oh merde, titre de la médiathèque d'Orléans, s'il vous plaît. Bon, eh ben voilà, je n'ai plus rien à dire, en fait. Non, cet album, ben, je l'ai écouté d'une traite en pensant effectivement à plein de groupes anglais des années 90, en me disant, est-ce qu'ils sont anglais? Et puis quand j'ai vu qu'ils étaient australiens, je me suis dit, ah, ben, ils ont essayé de cacher leur accent. Aussi, ouais. Ils ont caché leur accent, ce qui fait que, ouais, il y a peut-être un truc de... Comme toi, tu caches ton accent, d'ailleurs. Ah bah oui. Tu es norvégien, à la base. Non, j'ai un accent pied noir. Ah, ouais, c'est vrai. et du coup, non, il y a un truc qui me gênait, en fait. Parce que je trouvais que la compile était parfaite. Ils étaient à l'aise dans toute cette énergie de Britpop, hein, j'ose le dire. Et voilà, ça m'a accroché. Il y a un morceau, d'ailleurs, on s'est retrouvé avec Laurent, cette fausse balade tubesque qui est rentrée en tête, Bren on the Highway, que je pense être aussi une copie d'un tube de Britpop. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui me rappelait quelque chose. Voilà. Bon, j'ai pas retrouvé. Réminiscence. Exactement. Et puis sinon, bah voilà, ça s'est passé assez vite. Je l'ai réécouté quand même pour être sûr, mais non, ça m'a pas, voilà. Ça t'a pas accroché plus que non, ça? Non, pas plus. Mais ils le font bien. Franchement, je sais pas quel âge ils ont, mais ils ont l'air d'avoir 20-25 ans. Ils sont quoi. Un tout petit peu plus jeunes que nous. Un poil. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. On leur aurait fait porter nos cartables en cinquième. Donc là, ouais, la trentaine quand même, quarantaine. Ouais, non. Je pense qu'il fait plutôt 20. Ah oui, ils ont 20 ans. Non, je voilà. Plaisantais. Non, ah, non, c'est des genoux. C'est des genoux. Non, parce non. Parce que là, j'aurais été plus dur du coup. Je vais te dire ça. Et j'aurais été plus dur s'ils avaient eu 40 ans. Quoi. Mais voilà. Donc bon, si vous aimez le genre, franchement, je conseille. Bon. Laurent, lui, il y est. Ouais, alors c'est les Kwinks. C'est étonnant parce que moi aussi j'ai un titre de noblesse, c'est Kwinks. Kwinks. Je suis belge d'origine, c'est Kwinks. le morceau commence avec une espèce d'intro un peu Cold Web, je me suis dit oh, aïe, mon dieu. Ouais. Et puis non, bah, en trompe-l'œil. C'est trompe-l'œil, mais ça dure une mesure, hein. Et très rapidement, bah, les guitares et le chant arrivent, hein, pour arriver vers une espèce de power pop un peu rock'n'rollesque. Ouais. C'est assez efficace, hein, c'est porté par une voix assez chaude. Moi, je trouve très maniérée sa voix. J'ai un petit peu de mal, à part quelques morceaux où ça monte un peu plus, où sinon c'est un peu j'ai pas trop. Il le fait très bien. Je me demande si c'est pas lui. Ouais. C'est moi qui ai fait. C'est la double vie. C'est pas tout à fait mon timbre. Ouais. Mais bon, oui, c'est ça. Ouais. C'est voilà, un petit peu maniéré, mais bon, là il y a plein de chanteurs où c'est maniéré, ça passe. Hein. Bon, je trouve que le disque est assez convenu, même si on y trouve quelques belles choses. Bon, ça reste efficace. Hein. C'est bien ce qu'on demande à un groupe qui s'inscrit dans ce genre musical, hein, ouais. Avec plutôt une belle alternance entre les compos pop et le crunch des guitares, hein, c'est, ça fait le job. Pour mon goût personnel, j'aurais aimé plus de cœur. Il y a de quoi faire avec une musique comme ça. Bon, bah après c'est mon goût personnel. Hein. Quelques morceaux se détachent, hein, comme le disait Carl, hein, cette espèce de fausse balade, hein, Brain on the Highway. Où là pour le coup c'est très cool et c'est les refrains nerveux et également Stuck in Cheyenne où là pour le coup le chant est assez lumineux, ça monte plus haut, c'est plus habité, je trouve ça plus sincère, avec un mur de guitare. Le solo de Aeroplane Heart aussi qui est, c'est, je crois que c'est le seul solo du disque, hein, il est assez inspiré. Mais pour moi le vrai tube c'est Batten Down the Hatches, avec ce genre de refrain tellement évident et efficace qu'il a dû probablement demander beaucoup de travail. Oui, c'est ça, ça comme paraît tous simple. Les tubes pop, hein, ça ouais, paraît simple ça. Mais bon, la recette guitare picking un peu aigrelette puis les grosses guitares qui arrivent sur les refrains, c'est un peu systématique, je trouve, et le chant vraiment assez trop linéaire, trop maniéré. Donc au final, je dirais que c'est un album agréable mais qui révolutionnera pas la planète 2025. Moi quand on l'écoute, il y a pas grand-chose j'en retiendrai pas grand-chose en fait, vraiment. Il y a quelques bons morceaux mais c'est jetable. C'est jetable. Ouais, c'est jetable. C'est méchant mais oui. Bon, ça restera pas pour moi dans les annales de ce genre. Et pourtant d'habitude je reconnais assez bien les groupes australiens, il y a vraiment une touche, et là je suis passé à côté. Pour moi c'était l'anglais. Ça sent pas l'Australie. On est d'accord, il faut son accent. Saloupio. Bon, alors est-ce que je vais continuer à enfoncer cet album de Skeps? On va enfoncer gentiment, vous avez quand même trouvé quelques qualités. Et ben moi je suis totalement fou de cet album. Ah, ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas un album qui m'avait autant emballé que ça et que je remets en boucle. Ah oui. En fait, je trouve que tous les morceaux, exactement ce qui manquait à Kokomo, effectivement, ça sent la recette un petit peu. Mais alors, quelle recette? Chaque morceau, composé, comme tu disais, des morceaux aussi efficaces, c'est pas si simple que ça. Parce que sinon, bah, évidemment, Oasis aurait fait une grande carrière derrière les deux premiers albums, mais c'est pour moi, c'est un album presque parfait dans le style. Ça lorgne parfois vers la power pop. Ouais. Moi, je les sens plus américains qu'anglais. Pour moi, c'est la continuité un peu parfois des Strokes. Oui, j'ai alors vu que ce moi, que j'ai dit à Carl tout à l'heure. Oui. J'ai un peu lâché après. Les Strokes, ils sont anglais pour moi. Et puis sur les deux derniers morceaux, et en particulier le dernier morceau de l'album, on a l'impression d'entendre un énédé de l'unplug de Kurt Cobain, quoi. Enfin, de Nirvana. Le dernier morceau, ça sonne exactement comme ça. Un peu trop peut-être sur le dernier morceau, mais tous les autres. Pour moi, c'est des morceaux imparables. C'est-à-dire que je me fais choper et à la deuxième écoute, je les chante, je les fredonne tous. Ah oui, c'est efficace. Ce qui est très très rare et j'ai à nouveau, c'est très addictif en fait. Et pour moi, en tout cas, c'est un album au contraire qui restera. C'est-à-dire que, qui restera en tout cas pour moi. Je pense qu'on sera très nombreux. Mais moi, c'est un album qui rend heureux, qui donne la patate. Et c'est un album qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien et il n'y a pas de ventre mou. C'est-à-dire que souvent dans les albums comme ça avec des titres un peu catchy, bon bah il y a des moments ça délaye un peu quoi. Et là je trouve que tous les morceaux, toutes les compos tiennent. Il y a des balades, je me souviens. Non, il y a des fausses balades, Il y a des faux départs avec des et puis voilà. ça part et ça monte. Et toi du coup t'as peut-être fait l'effort. Alors moi je suis pas allé vers les anciens albums. Est-ce que c'est pareil? Alors je suis pas allé, mais je m'apprête à le faire. Mais j'épuise celui-là et là je pense qu'il est épuisé parce que je l'ai écouté en boucle. apparemment le précédent était plutôt country et était plutôt raté de la vie générale. Et celui-là, tout le monde, enfin les gens qui aiment cet album s'accordent à dire que c'est le meilleur des trois et que là ça y est, c'est la maturité qui sont arrivés au truc quoi. Ah oui, ça fait faire des chansons, ça y a pas de souci. Ouais ouais. Donc moi c'est vraiment des albums de ce soir, enfin j'en aime beaucoup, mais des albums de ce soir, vraiment celui-là j'aime beaucoup beaucoup. Ah oui. Ouais ouais. Là, pour le coup, on n'est pas tout à fait d'accord. Bah, c'est ça qui est bien, c'est l'intérêt de cette émission de Quij. Il restera un album à chroniquer, je vous rappelle quand même c'est l'album de Skeks qui Carl Skex Pacific Highway Music voilà, moi je vous le conseille chaudement. Nous allons rendre un petit hommage grâce à Laurent Lhuillier ici présent, leader des Queens. Tu peux dire leader parce que les autres sont pas là. C'est ça. Quand t'es tout seul, tu peux dire leader. Oh non, oui, le frontman, le leader. Le frontman. Oui, non, je suis pas leader. Voilà. Non, le frontman. Oui, c'est ça. C'est une fille qui monte sur scène pour embrasser quelqu'un. Normalement, c'est toi en premier. C'est ça, normalement. Oui. C'est comme ça que ça marche. Voilà, une disparition. J'étais complètement passé à côté. Oui, donc, oui, tu vas nous en parler un petit peu. Je suis un grand fan de folk en général. Et moi, j'ai été bercé. Non, j'ai découvert ça plutôt à partir de la vingtaine. Un monsieur qui s'appelle Gabriel Yacoub, Malicorne, qui a joué, il avait pas 20 ans, qui jouait en tournée avec Alan Stivell. Il a participé à l'album Live à l'Olympia, Chemin de Terre d'Alan Stivell, qui est un superbe album folk rock, un peu progressif aussi. Et donc la carrière de Malicorne avec son épouse Marie Yacoub, Laurent Vercambre, Hugo de Courson, qui ont tourné vers... hier j'ai écouté, je suis tombé sur un live en 79 en Italie de Malicorne, où ils arrivaient avec l'électrique, avec la batterie, l'électrique, la basse, c'était superbe. Et très belle carrière solo également, Gabriel Coupe, je l'ai vu 2, 3, 4 fois peut-être. J'ai raté la reformation de Malicorne en 2010 au Francofolie de La Rochelle, c'est un superbe album, c'est extraordinaire. Et avec Malicorne, Gabriel Coupe, il a apporté en France une touche un peu parisienne. Moi, j'aime bien le folk français quand il est parisien, j'aime pas quand il est trop bouseux, en fait, je suis un intellectuel en fait. il a apporté effectivement une sorte de d'érudition un petit peu, mais c'est pas pédant du tout, hein, mais c'est magnifique. Et les arrangements, c'est un arrangeur extraordinaire, c'est un guitariste fabuleux, et c'est quelqu'un qui a fait carrière. Il est connu aux États-Unis dans les années 80, il a vraiment tourné là-bas. Il est considéré comme étant un des précurseurs du renouveau folk français et même mondial dans les années 70, hein, avec Malicorne. Et il est décédé, il habitait dans le Berry, un petit village du Berry. Tout le monde habite dans le Berry, c'est incroyable. Bah ouais, ouais. Et voilà, donc moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... J'ai vraiment versé ma larme quand il est décédé, parce que c'est vraiment un grand bonhomme pour moi. Voilà. Donc j'ai choisi un très très court morceau qui est sur un superbe album qui s'appelle 4 de Gabriel Yacoub. Qui n'atteint pas la minute. Il n'atteint même pas la minute. Alors il y a la reprise de à la fin, il y a un petit instrumental s'il y a un petit peu le temps, mais sinon tu peux laisser juste la minute. Un très beau morceau qui s'appelle Letter from America. Alors il chantait en français, là c'est en anglais sur son quatrième album qui est magnifique. Eh ben donc hommage à Gabriel Yacoub ce soir dans The Rocks. I got a letter from America. It said she wouldn't come, but who am I to talk about love when all the ways then should be done? There can be love without a ring, but absence is a terrible thing. No bird can fly on one wing. I will love you. I will love you. I will love you. I will fly. Voilà. Ah oui, c'est presque trop court. Il dit absence is a terrible thing. C'est ce que je ressens moi, la disparition de Gabriel Yacoub. Ouais, et passé assez inaperçu parce que je suis plutôt aux aguets et là j'ai pas vu. Ouais. C'était la semaine dernière, c'est ça? C'était il y a quelques jours. Ouais, c'est vraiment récent. Ouais. D'accord. Bon bah c'était Yacoub dans The Rocks avec Letter from America. Cet album je l'avais écouté il y a très longtemps et je l'avais un peu oublié, donc ça m'a donné envie d'aller. C'est un superbe album. Une production d'enfer. Ouais, mais vraiment. Ouais. Bon, vous êtes toujours dans The Rocks avec une session spéciale de Quij cette semaine. On a déjà Kokomo, Skeks et Garciaphone qui sont passés sous la moulinette de Carl Verdo et Laurent Lhuillier ce soir, qui sont nos chroniqueurs. Un petit coucou à David Boss qui avait été annoncé mais qui est grippé. Et nous voilà, ça va déjà mieux. On va continuer avec le quatrième album et dernier album que je vous ai demandé d'écouter cette semaine. C'est cet album de Michael Kiwanuka, qui officie depuis 2012, d'origine ougandaise. Ses parents étaient des réfugiés ougandais et il a été bercé, et ça se sent dans sa musique, une œuvre écartelée entre la musique noire, Marvin Gaye, Otis Redding, et la musique blanche, avec quelques guitares à la Pink Floyd dans son répertoire. Ses grands chocs furent Nirvana, Radiohead, mais aussi Otis Redding. Et est-ce que tout ça, ça fait un musicien? Est-ce que tout ça, ça fait des bons albums? En tout cas, c'est son quatrième. L'album s'appelle Small Changes. Je pense que vous connaissiez tous les deux, parce que c'est peut-être l'artiste le plus connu ce soir des quatre, Michael Kiwanuka. Et qu'en pensiez-vous? L'aimiez-vous? À quel point le connaissiez-vous? Alors moi, depuis le début, effectivement, je l'ai vu alors apparaître chez Pomme, mais j'ai découvert son premier album quand il est sorti. Moi, je connaissais les One More Night ou I'm a Black Man in a White World, avec l'accent très Marvin Gaye, justement. C'est ça que je connaissais. Alors, ça m'avait déjà bien accroché, ouais. Et là, extraordinaire. Alors là, faut pas trop en dire, parce qu'on va passer le morceau. On passe un morceau qui s'appelle The Rest of Me, et après, je laisserai déborder l'enthousiasme de Laurent Lhuillier. Mais Carl Verdo, c'est le suspense. On ne sait pas, il a poker face. On ne peut pas savoir ce qu'il va. Regardez, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est fabuleux. C'est des années d'entraînement. Voici donc The Rest of Me, Michael Kiwanuka, tiré de son dernier album. Si j'en vois, c'est mieux. back when I was lost, stumbling around. You found me, now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that darker place. Lead me to the light, you don't seem to mind. Standing in the rain, though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be alive, there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Behind us, yeah. Hide me from the noise, but I can't stand the sound of silence. It's so hard for me, I needed you around. Calling out your name, feel like I could drown. When I need your loving, God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Behind us, yeah. God knows I better be bringing the best of me this time. This time. Michael Kiwanuka, tiré de son dernier album que nous chroniquons ce soir dans On The Rock spécial Quij avec Carl Verdot et Laurent L'Huillier. Je vais laisser la parole à Laurent qui n'a pu résister à son flot d'enthousiasme tout à l'heure. Donc j'ai cru comprendre, mon cher Laurent, que tu avais aimé. Oui, oui, oui. Donc comme je le disais, moi je connaissais plutôt la partie un peu plus soul. En micro avec Carl, Carl disait oui, il fait partie de ces gens qui font de la soul, c'est nouveau. Je dirais pas de la soul. Pas vraiment en tout cas. C'est pas l'idée que je me fais de la soul, c'est pas classique. Là, en fait, j'ai vraiment découvert une autre dimension, hein, du personnage, la voix chaude, délicate, qui porte sur des textes engagés, très très très fort sur son vécu également, hein. Et une musique extrêmement inspirée, maîtrisée, avec des arrangements extrêmement travaillés. Enfin, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Notamment une palette vraiment impressionnante de sons de clavier. Partie clavier particulièrement réussie, notamment sur Small Changes, hein, le morceau titre, mais aussi sur The Rest of Me, justement, voilà le morceau qu'on vient d'écouter, qui fait très très Stevie Wonder, hein, en l'occurrence. Et la diversité des claviers encore, comme ce curieux synthé sur Follow Your Dreams, hein, qui est assez étonnant. Synthé Scooby-Doo. C'est le même. Ouais, il me le faut. ce que j'ai beaucoup aimé, moi j'aime bien ce qui est puissant et voluptueux, et ça l'est. L'album est souvent très aérien, hein, à l'image, très beau, dans Stay By My Side, il y a des chœurs féminins qui m'ont fait penser aux chœurs sur le dernier album de Nick Cave, Wild God, avec des chœurs vraiment très rares, et wow, ça prend les tripes. Très aérien également, et le très Pink Floydien morceau Low Down, avec sur la deuxième partie une guitare vraiment à David Gilmour, hein, ouais, et qui nous emmène, qui est sa marque de fabrique, hein, depuis le début, on la retrouve de loin en loin. Et la basse également, qui a une place très importante sur cet album, comme sur ce même Low Down, hein, qui est joué au Mediator, ce qui donne un côté un petit peu 60s, hein, avec ce jeu là mais pour moi le joyau, mais je le mets vraiment tout au dessus, c'est le morceau Rebel Soul, hein, qui termine l'album, avec une intro au piano envoûtante et sur lequel la voix chaude de Michael entre, la basse acrobatique et petit à petit un orchestre symphonique qui amène le morceau à son paroxysme, le tout à la limite du déconstruit. Moi je trouve ce morceau fabuleux. Donc il y a j'irais 3-4 morceaux qui me qui m'ont vraiment dresse les poils, coupé le souffle. Par contre, des morceaux plus faibles, celui qu'on vient d'écouter, bof, c'est très bien fait, mais de même que Four Long Years ou Live for Your Love, qui sont un peu plus classiques, un peu plus variette soul là pour le coup, sur lesquels j'accroche pas. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est un petit peu trop grand public pour moi, mais quelques morceaux qui sont vraiment à découvrir et qui m'ont pris vraiment les tripes. C'est une très très belle réussite, hein, c'est gorgé d'émotions, c'est exprimé avec finesse, virtuosité, vraiment vraiment très bel album pour moi. Validé donc. Carl. Oui, il y a de la production, de beaux arrangements. Moi, j'ai noté le nom de Danger Mouse aussi dans les producteurs, qui a lui accompli plein de choses. Et toujours dans les bons coups. Mais c'est fou. En fait, j'avais pris beaucoup de retard. Il a fait U2 là il y a pas longtemps. Je savais pas du tout qu'il bossait avec eux. Enfin bon. Il bosse avec tout le monde un peu. Ouais. Il aime l'argent. Et du coup, je pense qu'on a aussi une farandole de producteurs en fait, de gens qui ont de bonnes idées aussi pour accompagner Michael. Je sais pas. Est-ce qu'il compose en fait? Ah oui. Et du coup, ses instruments de prédilection, c'est quoi? Alors lui, il joue de la guitare. Ouais. Mais il joue de la guitare. Ouais, uniquement. Hein. Non, je l'avais déjà dit à la dernière émission. Moi, les paroles, j'écoute pas, hélas, assez. Enfin, et c'est vrai que pour Kiwanuka, c'est important parce que je pense qu'il y met du soin. Moi, j'ai vraiment écouté l'album, d'une traite, encore une fois, et j'ai retrouvé ce que j'avais écouté sur le premier. En fait, il y a pas eu un effet waouh pour moi. Après, moi, je suis persuadé que, dans ma tête, c'est de la soul, effectivement, et c'est pas forcément ce que j'écoute, moi, de la soul actuelle. Je serais plus proche de personnes comme Curtis Harding, peut-être des trucs un peu plus, bruts, je sais pas, mais d'autres choses aussi très R&B pour le coup, l'album, il m'a plu parce que on l'a acheté au boulot, j'avais pas pris le temps de l'écouter parce que. Tu n'es pas charcutier, donc. Il est parti tout de suite. C'est ça. Il est parti tout de suite et réservé. Donc, j'ai pas pris le temps de l'écouter. Je me suis dit, c'est l'occasion. Justement, je vais pouvoir prendre le temps de l'écouter en entier. Je l'ai même écouté une fois et demie, deux fois. Et voilà, merci. Mais il va falloir faire attention, Michael. Est-ce qu'au bout du cinquième, sixième, on va pas avoir toujours la même recette, quoi? Moi, j'ai pas trouvé vraiment beaucoup de changements, on va dire. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est les morceaux de fond d'album, en fait, hein. Pas tant les tubes, hein, qui sont un peu plus grand public, je dirais, hein, mais c'était comme moi, de toute façon, c'est le morceau avec le solo à la Pink Floyd, effectivement, le truc avec Stay Away From Me, là, avec les chœurs. Ouais. Mais oui, grosso modo, il y a du tube, oui. Il y a du tube, mais il y a quelque chose de puissant que je trouve assez rarement dans ce que j'ai écouté récemment. Alors, il y a vraiment des touches, hein, trois morceaux là, pouf, qui rehaussent le reste, quoi, vraiment. Et alors moi je suis Emmanuel Bourdier, dit Manu, et animateur d'Anzorov. Et donc je suis donc Michael Kiwanuka depuis, on dirait les alcooliques anonymes. Bonjour Emmanuel. Et j'écoute Michael Kiwanuka depuis le premier album que j'avais bien aimé, vraiment je m'étais dit voilà, il y a un truc là, le deuxième sur certains morceaux m'avait terrassé, en particulier le morceau qui était le générique d'un feuilleton qui s'appelait je ne sais plus, mais le morceau s'appelle Cold Little Heart, qui est un morceau très très long, très Pink Floydien aussi dans sa guitare. J'avais un petit peu oublié le troisième album, je l'avais écouté, mais voilà. Et je pense que tous ces albums, les trois, converger vers celui-là qui pour moi, et je ne le dis pas souvent, mais je ne suis pas le seul à le dire puisque Mathieu Malon me l'a dit en disant je serais pas à Quiche, mais je te le dis quand même, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors autant le Skeggs tout à l'heure, j'aimais beaucoup, je l'écoute, mais c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'adore cet album. Là pour moi, j'ai cette sensation qu'on a parfois et qu'on a trop rarement, je trouve, d'assister à la réalisation en direct de notre vivant d'un chef-d'œuvre. Et là je pense qu'on y est, c'est-à-dire que son malaise à Michael Kiwanuka, qui d'être entre deux, il l'a dit, hein, c'était assez inconfortable pour lui d'être entre deux cultures, entre deux, de faire de la musique qu'il juge, lui, musique noire, mais avec des influences de musique blanche, mais pour un public de blanc, et il aimerait bien jouer aussi pour un public de noir, enfin toujours cet éternel problème. Cette espèce de schizophrénie et de malaise se retrouve dans sa musique, qui pour moi prend le meilleur chez chacun, ne le singe pas, l'a synthétisé, et là du coup c'est vraiment un album de Michael Kiwanuka. Et je sais pas, Carl, pour répondre à ta question, de quel instrument il joue, mais on a l'impression qu'il a tous les fils au bout de ses doigts, oui, oui. Et que c'est pas un album de producteur justement, c'est son album, et que il pourrait jouer du violon au fond de la salle, ça serait lui quand même quoi. Et vraiment, je trouve cet album somptueux et qu'il y a pas non plus de morceaux, contrairement un peu à ce que tu disais Laurent, avec des morceaux un peu inégaux et des morceaux. Chaque morceau, moi, je le trouve magnifique en fait. Ouais. Non, ouais. J'ai pas trouvé plus faible. J'ai beaucoup moins aimé le For Long Years ou Live for Your Love parce que c'est moins ce que j'apprécie. C'est ça. Mais en fait, t'as raison, c'est peut-être son Song is the Key of Life à lui quoi. Je pense. Alors plus ramassé, mais je pense que je n'arrive plus la poker face. Ça y est, on l'a eu. Purée, ça a été dur. D'après Manu, bien sûr. C'est l'album de la. C'était dur. Mais pour moi, voilà, je trouve que c'est un album merveilleux. Je vous conseille d'écouter cet album fort. Je vous conseille d'écouter cet album en roulant la nuit. Et je vous garantis que vous louperez la sortie d'autoroute. Je vous signe. Et vous serez, et à pire, vous serez content de l'avoir loupé en disant, faut encore que je me fasse 65 bornes, je peux le remettre 4 fois. Et voilà, c'est un album à écouter fort la nuit en roulant. Voilà, donc je vous conseille vraiment, vraiment cet album qui est merveilleux. Mathieu Malon aussi. Et puis vous, messieurs, également un petit peu. C'était Michael Kiwanuka avec l'album Small Changes. Une pure merveille. Il est 20h22. Nous sommes à 2 coups de cœur à 1 en faveur de Laurent. Donc Karl va pouvoir dégainer son dernier coup de cœur. De partout. Eh bien, Chelsea Wolfe. C'est ça, même. Chelsea Wolfe avec un morceau qui s'intitule Tunnel Lights. Je vais ressortir quand même le nom de l'album parce que je ne retiens pas. She Reaches Out to She. C'est un peu compliqué pour moi. Sorti en 2024. C'est compliqué chez, pour tout le monde. Oui, Loma Vista. Et là encore, c'est un coup de cœur. En fait, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais deux disques qu'on a acheté à la médiathèque. J'ai pris mon top 2024 un peu. Voilà. Puis je suis allé voir un peu ce que j'avais vraiment aimé. Et elle, je l'ai découverte cette année. Je la connaissais pas. Elle a plusieurs albums à son actif. Et vous allez voir, c'est une recette assez délirante de trip hop, de musique un peu industrielle ou black metal. Choisissez votre gang. Il y a une belle voix, il y a des instruments quand même, et pas mal de synthé, de musique électronique. Moi, ça m'a beaucoup surpris. L'album est vraiment intéressant. Et puis voilà, Chelsea quoi. Et ben c'est maintenant. We'll be right back. c'est superbe. Merci. Merci. C'est beau. C'est beau. Vraiment, oui. C'est impressionnant. Hein. Ah, c'est très beau. Et le reste de l'album, moi, m'a fait penser à un groupe, si vous en souvenez, qui s'appelait Curve. Oui. Merci. Oui, oui. C'est loin. Mais ouais, oui. C'est loin. Pour ce côté un peu indus, justement. Enfin, c'est. Sur ce morceau-là, ça mange un peu à la cantine avec Portishead. Ouais, largement. Oui. Et puis un peu métal symphonique dans le refrain. Des fois, elle est limite, quoi. Ouais. Mais oui, oui, il y a du Portishead, ouais, c'est sûr. Elle est anglaise ? Américaine. Ah, c'est américaine. Autriche, ah, oui. Ouais. Tiens, ouais. Ouais, on aurait pu croire, ouais. Bon, mais merci pour ce choix, mon cher Karl. Oui, c'est une très belle découverte. Ouais. L'émission touche à sa fin. Nous allons nous passer en générique de fin un extrait du prochain album à sortir de Last Train, leur troisième album. Ah, tiens. Bah, vous allez écouter le morceau assez. Ils sont pas là pour rigoler, apparemment, pour oui. Le troisième. Ils ont dit là, ça va maintenant. Hein, bon, rangez votre chambre. Donc, on va se passer ce morceau qui, moi, me plaît bien. Ça s'appelle How Does It Feel? Encore un sacré groupe de scène. Puisqu'on parle de scène, des petites dates, monsieur Laurent Luyer, pour oh Queens ou pas encore? Je te prends à froid. Parce que j'ai du mal à retenir. Oui, on va jouer au Jacquin, avec je ne sais plus quel groupe. Je suis un peu à la ramasse avec ça. Je crois que c'est au mois de mars. Et puis, on a deux dates à Blois et à Nantes au mois d'avril. On va jouer à Reims au mois de juin. Wow. Ah oui, voilà. Puis on attend la sortie du vinyle encore. C'est notre prochaine étape, on va dire. Un vinyle à accrocher dans son salon. Oui, il est très, très belle pochette. Oui, on est content. Ouais. Donc voilà, mais je te tiendrai au courant. Ouais, bah, avec plaisir. Tu vas venir nous voir. Ouais, bah, avec encore plus de plaisir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu. Merci Karl. C'était très intéressant. Comme expérience. C'est pas mal, hein, ouais, c'est pas mal. Bah écoutez, vous connaissez le chemin. Il y aura d'autres séances de quiz. Le but, c'est de mélanger les équipes et de vous retrouver à chaque fois avec des gens un peu différents. Ah oui. Donc voilà, et bien, il y en aura d'autres. Il n'y aura pas d'émission en revanche pour les 15 jours à venir. Rendez-vous donc le 24/02, mais vous pourrez écouter cette émission qu'on vient de passer là à partir de mercredi ad libitum jusqu'à ce que mort s'en suive sur le site ontherocks.net et en rediffusion sur Zef à Blois. Je ne sais jamais quel jour, quelle heure, mais bientôt. Christophe Arondeau va me jeter des cailloux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Rentrez bien et puis je vous mets ce petit Last Train dans les oreilles avec How Does It Feel et encore un petit coucou à David Bost et j'espère que ça va beaucoup mieux au niveau température. Ça a dû requinquer cette émission. Ça a dû le requinquer et lui faire du bien et à mon avis, comme je le connais, il a dû aimer ce Chelsea Wolf. Combien de ouais, on me dira mais il je doit pense. Connaître, il doit connaître. Il doit comme il connaît tout, il est intéressant. Bah oui. Bisous. Last Train, How Does It Feel, c'était On The Rock Squeeze et je vous retrouve donc le 24. Ciao. maneira, do ponto de vista financeiro, equilíbrio de que maneira, e bem precisa disso, como é óbvio. Por isso, isto é uma análise muito, muito rápida a traçar os perfis e o porquê, e os porquês, e estamos aqui para interpretar os porquês, e eu não posso deixar de perceber que é uma necessidade financeira do Porto, e o Porto nada pode fazer. Queres acrescentar algo sobre o que sucedeu no mercado com os plantéis do Benfica Sporting? Sim, Benfica... e eventualmente Braga, onde a equipa, depois de perder as competições europeias, deixar de jogar, não é, nas competições europeias, abdica de duas referências, Bruma, mas sobretudo Mateus, guarda-redes extraordinário. Eu não estou preparado para deixar de ver Mateus jogar em Portugal. Sim, sim. Vou provocar aqui o Nuno. O Benfica foi contratar os Bs, Belotti e Bruma. Já vamos pormenorizar o impacto que esses dois reforços podem ter no ataque do Benfica, dois considerando jovens, a idade, exatamente. Dois jovens naquela tese do Seixal, dar a oportunidade ao Seixal. Está lá, jogar no Seixal. Dois jovens um terço dos do plantel do Benfica é formado no dos Seixal. Dos 30 e tais. Nós não precisamos. O Bruma até vem com uma coisa engraçada, vais gostar, que é aquele balãozinho que ele enche quando marca um golo. Enche um balãozinho vermelho e é bonito. Oxalá, enche vários. Agora, falando a sério nesta questão, vamos lá ver o Bruma. Eu vejo toda a gente dizer, muito descrente com o Bruma. O Bruma, em 31 jogos, tem 13 golos e 8 assistências. Atenção, do ponto de vista de qualidade, ele tem qualidade e tem números. Quer dizer, não é só qualidade. Ah, é um jeitoso. Não, tem qualidade e tem números. Na Liga Portuguesa, não é numa liga qualquer. Que pode dar excelente apoio ao Benfica nesta fase, nesta segunda volta do campeonato. E por isso eu considero o Bruma uma ótima contratação, assim que ele se encaixe no Benfica, que eu acho que é fácil de encaixar. Joga no campeonato, conhece as equipas, conhece os adversários. Eu acho que é daqueles que podem entrar de repente, aliás, como foi a última contratação do Benfica, que entrou e foi o melhor jogador em campo neste último jogo. Esta última contratação que o Benfica fez para o meio campo, e fez muito bem. Por isso, eu acho que, quanto ao Belotti, eu não tenho estudos para falar sobre isso, mas estes dois que nós conhecemos são duas belíssimas aquisições. O Sporting é um bocadinho mais na dúvida, porque também não são os jogadores que eu conheça com exatidão, mas aí o Salvador pode-nos ajudar. Vou deixar o Benfica para a última ronda e o Nuno Magalhães para o final, porque pode também suscitar aqui, enfim, uma troca de impressões a três. O Sporting claramente deveria ter outros reforços nesta altura. É legítimo colocar a questão desta forma, Salvador Malheiro? É mais do que legítimo, aliás, tudo é legítimo. Mas eu diria... Liberdade de expressão, free speech. Eu diria que o Sporting, a grande vitória, ou a grande concretização que tem neste período de janeiro das transferências, é se chegarmos ao fim do dia com o Guioqueras e o Mano no Sporting. Essa é a grande...